ce sont des morceaux de chemin qui s'envolent derrière l'écran de mon placement. Oui, ce sont des morceaux de toi, comme des éclairs dans la voix, des émotions et des sentiments entremêlés. Oui, je les ai recueillis au creux de mes pensées pour réchauffer ma vie et mon cœur au creux des nuits. Oui, ce sont les morceaux de toi que j'apprends par cœur à chacun de chaque jour. Et le chant de ton amour qui s'élance au-delà des vertigineux absents. Je les ai recueillis au creux de mes pensées et je le garde en moi. Je garde en moi.